Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Au nom des citoyens de Normandin, je suis très fier de féliciter M. Gilles Bouchard, un Normandinois d'origine, actuellement entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, pour son magnifique travail. Je voudrais également le féliciter pour son titre d'entraîneur-chef et de directeur général de l'année de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les citoyens de Normandin sont très fiers de M. Bouchard et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci. Il y avait Galant à l'École secondaire des Chutes ce midi pour honorer un peu les récipiendaires dans les différentes catégories. Avec moi, j'ai celui qui est le responsable de la vie sportive à l'École secondaire des Chutes, Jocelyn Gagné. Salut, Jocelyn. Salut, Lanné. Jocelyn, si on parlait un peu de cette activité-là, à quoi consiste l'activité et le but de cette activité? Okay. Le but, c'est de récompenser les jeunes dans tous les sports au niveau scolaire et non possible. C'est-à-dire, on va prendre tous les sports où on participe au niveau régional. On fait le volleyball, athlétisme, cross-country, football, badminton. Et on met esprit d'équipe, participation, éthique sportive, puis on met le meilleur athlète par excellence. On le met un petit volet ping-pong parce qu'on a des athlètes qui ont fait du ping-pong. OK. Évidemment, le but, c'est les jeunes, j'imagine, adorent ça, là. Ils adorent ça, c'est plaisant. C'est une reconnaissance pour le travail durant l'année. Puis après ça, on reconnaît certains athlètes parmi l'élite de notre école. OK. Est-ce que ça a été une belle année dans l'ensemble au niveau compétition pour tu parles de volleyball, de football, d'athlétisme et autres? Oui, je pense que oui, parce qu'au volleyball, on a fini troisième dans la catégorie compétitive. On a perdu contre l'équipe qui a fini en finale, qui a même gagné le championnat régional. En athlétisme, on a eu sept athlètes qui sont allés au championnat provincial, dont une qui a gagné une médaille d'or, qui a fini deux fois quatrième. On a un Gabriel Lamontagne qui a fini au cross-country 11e. On a un jeune David Godreau qui a terminé 7e au badminton au championnat provincial. Donc, on tire notre épingle du jeu malgré qu'on n'est pas une grosse école. OK. Est-ce que, mais dans l'ensemble, au football, comment ça a été aussi? Football, c'est sous forme de jamboree. Donc, les jeunes jouent des games, mais de jamboree à jamboree, ils ont fait trois. Puis, on terminait avec une note gagnante, plus de 500. Ils avaient perdu avec une victoire, trois défaites. Puis, à la fin, je pense, c'est trois victoires, une défaite. Donc, ça s'est amélioré. Les Carcajou, évidemment, c'était très fort là, par les années passées. Il y avait des inscriptions, terriblement d'inscriptions. Est-ce que ça a été... parce qu'on dit que le football est en baisse. Est-ce que l'école sur les chutes, on voit le même phénomène? Non, ça continue. Ça reste constant. On est en train de travailler là-dessus avec le volleyball. Il y a une grosse baisse au niveau régional, mais nous autres, on a encore un bon engouement et une bonne participation. OK. Parlons du Club du Mille, parce que tu es encore responsable du Club du Mille. Comment ça va? Ça va très bien, le Club du Mille. On est en restructuration, on est en train de monter un comité. J'ai Yann Tremblay et Pierre-Luc Manon qui travaillent fort, qui vont prendre le relève durant l'été. Ils vont faire des entraînements durant l'été, contrairement aux autres années qu'on n'avait pas. Le Club du Mille est en train de se refaire une peau neuve, puis on va participer à d'autres compétitions et non pas un volet scolaire. OK. Il y a vraiment un boom du côté de l'activité physique, de la course à pied. Est-ce qu'on ressent dans le nombre d'inscriptions pour le Club du Mille? Oui, bien, les jeunes, on a de plus en plus des bons jeunes. Puis aussi au niveau des adultes, naturellement, le Club des adultes est phénoménal avec 30 à 40 personnes à tous les entraînements, les lundis et mercredis, 6h15. OK. Est-ce qu'il y a Alex Bussière qu'on voit comme avenir dans le Club du Mille? Non, Alex, il m'aide beaucoup. Il m'a même fait mes entraînements sur l'été. Il vient participer, il m'aide, mais Alex, c'est surtout qu'on... Oui, mais je veux dire du côté de la relève. Est-ce qu'il y a un Alex Bussière qui se pointe? Ah, t'en as des jeunes qui sont bons. Mais des Alex Bussière, il y en a tout le temps. Dans quelques années, on va voir. OK. Ben, merci beaucoup, Jocelyn Gagné. Salut.